Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de scandales pédophiles qui ont choqué nos voisins britanniques, mais dont on a peu entendu parler en France. Pendant des décennies, des centaines de jeunes adolescentes ont été violées et exploitées sexuellement dans plusieurs villes du nord de l'Angleterre. Les faits relatés dans le récit qui va suivre s'inscrivent au début des années 2000. À l'époque, les services sociaux et la police préfèrent fermer les yeux, alors que de nombreux signalements leur sont transmis. Les victimes sont pauvres, on accorde peu de crédit à leurs paroles, et puis il y a la peur d'être taxé de raciste, car la majorité des violeurs présumés sont d'origine pakistanaise. Rochdale, Birmingham, Telford, Rotherham, Oxford, Bradford, autant de villes touchées par ce phénomène que nos voisins d'outre-Manche appellent le « grooming », que l'on pourrait traduire par « embrigadement ». Autrement dit, attirer des jeunes adolescentes par une attitude bienveillante et généreuse afin d'obtenir leur confiance et abuser d'elles sexuellement. Concernant Rochdale, la BBC en a fait une série en 3 épisodes nommée « Three Girls ». C'est cette histoire que nous allons aujourd'hui vous raconter, emblématique parmi toutes les autres, dans un aller-retour entre fiction et réalité, si proches l'une de l'autre ici. Notre invité aujourd'hui, Philippe Turl, journaliste britannique et chroniqueur international à France 24. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Juin 2008, Rochdale, banlieue de Manchester, nord de l'Angleterre. Holly a 15 ans. Elle débarque dans cette ville ouvrière un peu terne. L'entreprise des paternels a fait faillite. Il a quitté Derby et toute la famille a atterri à Rochdale. Père au chômage, mère au foyer, elle s'occupe des deux plus petites de la fratrie. Holly découvre son nouveau collège et trouve très vite un petit copain. Un jour, à la fin des cours, il lui dit « T'es jamais venu chez moi, ça se fait pas. Ah, je dois rentrer. Passe après alors. 141 Residence Wells. Tu t'en souviendras ?» De retour chez elle, Holly doit se coltiner des tâches ménagères. Son père lui dit « Va prendre des gants pour nettoyer les poubelles. » Avant de la prévenir, et puis traîne pas avec les gens du coin. Hein. Bon, à force, Holly n'en peut plus, et elle claque la porte. Direction Residence Wells. Yes, yes, I... Sick, come in, come in, come in. Bardeur, bière à la main, clope au bec, son petit ami est tout heureux de la recevoir. Holly, elle est toujours en uniforme de collégienne. En tout cas, bienvenue chez lui. Ambiance squat, musique à fond, tapisserie déchirée, un peu destroy, mais l'ambiance lui plaît. Le garçon lui présente ses copains, Johnny, Nikki, Megan et... il ne connaît pas toutes les personnes présentes dans son salon chez lui, c'est open bar. Puis il présente son père, avachi dans un fauteuil, avec une bière, of course. Nous voilà donc au cœur du sous-prolétariat blanc du nord de l'Angleterre. Les Anglais les surnomment les chaves, ce qui n'est rien d'autre que péjoratif. Le jeune homme entraîne la jeune fille à l'étage, avec une intention bien claire, l'emmener visiter sa chambre. Mais ses deux cousines, Amber et Ruby, sortent de la leur et invitent Holly à les rejoindre. Au programme pour les 3 ados, séance de maquillage et petite confidence. Puis elle quitte les lieux pour aller chercher à manger au kebab du coin. Les filles connaissent le livreur et le patron. Elle leur présente Holly. Toute cette histoire est racontée dans la mini-série Three Girls, écrite par Nicole Taylor et réalisée par Philippa Lowthorp. En voici un extrait. Ici, les adolescentes se trouvent dans l'arrière-salle de Speedy Kebab. Attention, voilà le ravitaillement. Je vous le mets là. Les kebabs, les frites, le naan, sauce blanche, du Pepsi. Allez-y, servez-vous. Je croyais que tu détestais le kebab. Pas quand c'est gratuit. Bon appétit, les filles. Merci. Salut. À plus. Salut. Pourquoi est-ce qu'il nous a offert toute cette bouffe ? C'est un mec trop sympa. Il habite avec sa famille à Oldham. Il fait des livraisons pour Speedy Kebab et Top Curry juste à côté. Ils sont mortels, ces kebabs. Basée entièrement sur des faits réels, la série raconte donc l'histoire de Holly, Amber et Ruby. Ces trois prénoms sont fictifs, mais ce sont ceux que nous utiliserons dans ce récit, car dans la procédure judiciaire, elles sont appelées fille A, fille B, fille C. Bien. Toutes les trois entre en 14 et 16 ans, elles font partie de familles touchées par les fléaux du chômage et de la pauvreté. Amber et Ruby, qui sont sœurs, sont en rupture familiale. Leurs parents sont divorcés, elles sont suivies par les services sociaux de la ville. Elles ont pris l'habitude de se rendre régulièrement dans un fast-food où des hommes d'origine pakistanaise les accueillent avec le sourire, des repas gratuits et de l'alcool. En anglais, on appelle ça le grooming, qui consiste à se montrer gentil et bienveillant avec un enfant ou un adolescent afin d'obtenir sa confiance et de créer un lien affectif pour ensuite abuser sexuellement de lui. Dans Free Girls, une fresque sociale en trois épisodes, dans la veine Ken Loach, la réalisatrice montre la mécanique implacable des prédateurs sexuels. On y découvre, à travers le personnage d'Holly, le piège qui se refermait sur des milliers de jeunes anglaises pendant des décennies. De nombreux témoignages de ces jeunes filles sont sortis dans les médias. Nous allons vous en faire écouter plusieurs extraits dans ce récit. Ils sont tous anonymes, mais ils racontent tous le même phénomène. Dès l'âge de 12 ans, j'ai déménagé de foyer en foyer. Tu ne reçois jamais vraiment d'amour. La vie n'est que de la merde, tout le temps. La première fois, c'était pour m'amuser. C'était mes amis. Je pouvais vraiment leur parler et ils ne me jugeaient pas. Ils me donnaient de l'alcool et de la drogue. Je me disais juste, une fête gratuite, ça n'a pas d'importance. J'avais 13 ans. De Birmingham à Bradford, en passant par Rochdale, les prédateurs sexuels visent toujours le même profil. De jeunes adolescentes, socialement déclassées, un peu fragiles psychologiquement et souvent en rupture avec leur famille. Ensuite, dès qu'ils exercent une emprise sur une fille, ils l'incitent à ramener des copines. Yo, yo, yo! How are you? Yeah, I'm good, thank you. Yeah. Retour à la série Three Girls, entièrement basée sur des faits réels, rappelons-le, avec les trois héroïnes de la série, Holly, Amber et Ruby. Dans le premier épisode, on voit bien l'engrenage. Ce sont les deux sœurs, Amber et Ruby, qui ramènent Holly directement chez les violeurs, dans la gueule du loup. La mécanique est toujours la même, sandwich gratuit, alcool, cigarettes. Pour les adolescentes, c'est avant tout de l'amusement. Mais très vite, la gentillesse de ces hommes, des trentenaires et des cadras, débouche sur certaines demandes. Un soir, le livreur emmène Holly dans une pièce à l'étage. Il ferme la porte, se tient devant l'adolescente et lui dit « Quand est-ce que tu vas me laisser coucher avec toi ?» Apeuré, Holly, au fond de la pièce, lui répond « Jamais !» L'homme rétorque et toutes ces choses que je t'ai données, hein? Kebab, poulet, tikka, vodka, cigarette, tout ça gratuitement. Mais ça fait partie de l'échange. Je t'achète des choses et tu m'en donnes en retour. On est amis, non? Holly lâche un petit oui. Alors l'homme s'avance et lui dit, et les amis, ça se fait des cadeaux, hein? Ne pleure pas, tu es magnifique. S'ensuit à l'écran une scène de viol difficilement soutenable. Ensuite, l'homme se lève, sort un billet de 10 livres, le tend à la jeune fille en état de choc et lui dit « Écoute, t'es ma pute maintenant, ok? Si tu me contraries, je te tue. » À l'horreur du viol s'ajoute donc la terreur d'être tué en cas de plainte. Le piège se referme et les violeurs deviennent proxénètes. Le cas de Holly n'est pas unique. Une autre adolescente témoigne. Nous y allions tous les week-ends. C'était pour s'amuser, rire. Et tu sais, tu prends l'habitude d'en tirer ce que tu veux parce qu'ils te donnent de la bière et des clopes. Et puis ils ont changé. Un jour, il m'a dit, je t'ai acheté des bières et maintenant, on va coucher ensemble. Un autre homme est venu avec une bouteille de vodka et il a exigé la même chose. Ils ont ensuite emmené un autre ami avec une nouvelle bouteille de vodka et il a exigé la même chose. Tout s'est emballé à partir de là. Et tout est allé toujours plus loin. J'avais 14 ans. À l'écoute de ces témoignages, une question vient tout de suite à l'esprit. Mais enfin, pourquoi personne n'est-il venu à l'aide de ces jeunes filles? Personne ou presque. Parce que tout de même, une femme s'est battue pour elle à Rochdale. C'est Sarah Rowbotham, qui a d'ailleurs inspiré l'un des personnages principaux de la série Three Girls. En 2003, le gouvernement britannique décide de s'attaquer à l'un des grands fléaux d'outre-Manche, les grossesses de jeunes adolescentes. Chaque année, elles sont près de 100 000 à se retrouver enceintes. La moitié mènent leur grossesse à terme et 2200 ont moins de 14 ans. Pour freiner ce phénomène, des centres spécifiques sont ouverts dans tout le pays pour la prévention et l'éducation sexuelle. L'un d'entre eux ouvre à Rochdale, dans la banlieue de Manchester. Sarah Rowbotham en devient la directrice. Très vite, des jeunes adolescentes se confient. Ça, des histoires et des plus sordides qui soient, les employés du centre en entendent. Il y a le cas de cette fille et de ses activités sexuelles gratuites avec des collégiens pendant les heures de cours. Ou de cette autre qui enchaîne les cabrioles complètement ivre pendant les fêtes. Et puis une autre qui se fait payer. Au fil des mois, Sarah Rowbotham et son équipe découvrent des cas encore plus graves. Des groupes de filles seraient victimes de viols à répétition. Alors, la directrice commence à consigner tout cela dans un carnet, le Boyfriend Book. Dans ce registre, tous les détails concernant les violeurs présumés sont consignés. Prénom, âge, description de lieu de voiture. Sarah Rowbotham établit alors toutes les connexions entre les victimes et les agresseurs. Il s'agit d'un vaste réseau de pédophilie. Alors elle tire la sonnette d'alarme auprès des autorités, mais personne ne semble vouloir l'écouter. Dans l'émission La Dispute sur France Culture, le personnage inspiré par Sarah Rowbotham est évoqué par la chroniqueuse Iris Bray. Ce personnage qui est peut-être en fait aussi une des grandes révélations, je trouve, de la série dans ce qu'elle apporte et dans le regard qu'elle est là, qui va finalement être aussi notre regard, parce que nous, on voit devant nous l'horreur et arriver devant nos yeux, et c'est la seule à le voir, c'est la seule à pouvoir mettre des mots dessus, et je trouve que oui, c'est une série très courageuse. À Rochdale, Sarah Rowbotham a fait naître l'histoire de Holly, Amber et Ruby, les trois personnages de la série Three Girls. L'histoire de ces ados-là ne constitue pas trois cas isolés. Dès 2003, la police de Manchester enquête sur la mort de Victoria, une adolescente de 15 ans, qui a succombé à une overdose d'héroïne administrée par son violeur. L'inspectrice de police, Maggie Oliver, découvre, elle, que c'est tout un réseau de pédophiles qui sévit dans la région de Manchester, et notamment à Rochdale. Alors, une vaste opération de répression, nommée Augusta, est lancée. Elle concerne près de 97 suspects et 58 victimes âgées de moins de 16 ans. Pourtant, en 2005, cette enquête est abandonnée. Maggie Oliver raconte cet épisode dans le documentaire de la BBC « Betrayed Girls ». Si la police du Grand Manchester avait poursuivi ses investigations sur les faits dont nous avions eu connaissance lors de l'opération Augusta en 2004-2005, je suis sûre à 100% que ces crimes n'auraient pas atteint l'ampleur que l'on constate aujourd'hui. En tant que communauté, en tant que pays, nous essayons de rattraper le temps perdu face à un crime qui a pris de manière effrayante les proportions d'une épidémie. Selon elle, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'enquête a été abandonnée. Tout d'abord, la plupart des victimes étaient des adolescentes issues de milieux populaires et défavorisés. Souvent, elles étaient prises en charge par les services sociaux de la ville. Maggie Oliver estime donc qu'elles ont été abandonnées. Et puis, quelques jours après l'arrêt de l'opération Augusta, il y a eu les attentats islamistes de Londres. Dans tous les services de police du pays, la priorité est devenue la lutte antiterroriste. Enfin, étant donné que la majorité des suspects de l'opération Augusta étaient d'origine pakistanaise, la police a préféré ne pas faire de vagues. Ces cas de grooming ne se limitent pas à la région de Manchester. À la même époque, une députée travailliste de Killarney, une autre ville du nord de l'Angleterre, prend connaissance de ce phénomène. Des mères de famille très inquiètes viennent la voir. Leur fille serait tombée dans les filets d'un réseau pédophile. Et le scénario est toujours le même. Elles sont séduites par un jeune et beau collégien d'origine pakistanaise qui les mène ensuite vers des hommes plus âgés. Le piège se referme et c'est le même engrenage qu'à Rochdale. Viol, menace, intimidation, prostitution forcée. La députée Anne Cryer prévient la police à de nombreuses reprises. Mais la réponse est toujours la même. Ces filles-là sont consentantes. Sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, et peut-être à cause de cela, elles sont consentantes, dit la police. Et voilà comment elles se débarrassent de l'affaire. Mais un jour, à Rochdale, elle intervient. Retour à la série Free Girls. Les policiers ont reçu un appel provenant d'un kebab. Une jeune adolescente aura cassé une vitrine et volé une canette de soda. Cette jeune fille, c'est Holly, l'héroïne de la série Free Girls. Les policiers appellent alors son père, qui raconte. Je me suis dit, oh non, pas encore, qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Je suis allé au poste de police, elle était très agitée, bouleversée. Elle semblait aussi renfermée sur elle-même. On voyait clairement qu'elle cachait quelque chose. Elle ne voulait rien dire, mais vous savez, après que je lui ai parlé et que je lui ai dit « qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème ?» Elle leur a dit qu'elle avait été violée plusieurs fois. Le policier a dit « je te crois, nous avons déjà entendu parler de ça et je te crois. » Après l'aveu de sa fille, le père est sous choc. Il se sent coupable de n'avoir pas pu protéger son enfant. C'est un cauchemar pour lui, sa femme et toute la famille. Mais il fait confiance à la police. Les agresseurs vont être arrêtés, jugés et mis en prison. L'un des présumés coupables est effectivement interpellé, mais assez vite remis en liberté. L'enquête se poursuit et dure des mois. Dans la série télévisée, il y a une ellipse. On retrouve Holly plusieurs mois après sa plainte. Elle a déjà donné naissance à un enfant. Elle promène un bébé dans un landau jusqu'à son lycée pour consulter les résultats de ses examens. Il se trouve qu'elle a la moyenne dans toutes les matières. Elle va pouvoir passer son diplôme à la fin du lycée et elle va pouvoir aller à l'université. Ça veut dire surtout qu'elle peut envisager une nouvelle vie. Au même moment, son père, qui s'apprête à quitter la maison pour aller à la rencontre de sa fille, voit une lettre sur le pas de sa porte. Il l'ouvre, elle provient du bureau du procureur. Il peut y lire « Concernant votre fille Holly, l'épreuve étant insuffisante, pas la peine d'aller plus loin. » On l'a compris. Et le père de Holly aussi. La justice a décidé d'arrêter les poursuites contre les agresseurs de sa fille. Quelques minutes plus tard, elle est de retour à la maison, toute heureuse d'annoncer ses résultats à son père. « Papa, j'ai tout atomisé. Je l'ai eu dans toutes les matières. » « C'est formidable, mon cœur, » lui répond son père. Mais le cœur n'y est pas. Le visage du père est décomposé. Holly le voit bien. Il interroge. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Ils ont abandonné les poursuites. Ils ont classé l'affaire. Aucune inculpation. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune chance d'obtenir une condamnation, ma fille. Ta culotte est imprégnée de son ADN, mais il n'y a aucune chance d'aboutir à une condamnation. Mais tous mes interrogatoires, le fait que je les ai reconnus à une séance d'identification... Là, c'est sa mère qui intervient. Ce n'est pas la police qui décide, tu sais. C'est le bureau du procureur. Holly s'insurge. Enfin, pourquoi? Je leur ai dit la vérité. Je leur ai tout raconté. Je sais, lui répond sa mère. Mais il pense que le jury ne te croira pas. C'est le coup de grâce pour cette famille. Et le père va exprimer sa colère en se rapprochant d'un parti d'extrême droite. Quant à Holly, elle sombre peu à peu dans l'alcool. Je me suis habituée à des tendances démodées. Je te jure, je fais exprès, tout bas, sans articuler. Je me suis habituée. Santé dans un verre fracassé, poupée. On adore s'étouffer. Santé dans un verre fracassé, poupée. On adore s'étouffer. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Décembre 2010, commissariat central de la police du Grand Manchester. 15 mois après l'abandon des poursuites dans l'affaire de Rochdale, le commissaire décide de lancer l'opération Span en rouvrant des dossiers de viol. Il explique à l'inspectrice Maggie Oliver : aujourd'hui, on a une chance d'obtenir des condamnations si on réussit à remobiliser les victimes. Maggie le rétorque : oh, pour moi, tu sais, c'est du réchauffé. J'ai déjà vécu la même histoire, en 2004, en 2005, sauf que c'était à Manchester, pas à Rochdale. J'ai passé 2 années entières à inciter 2 gamines de 14 ans à tout me balancer sur les viols dont elles avaient été victimes, pour qu'au final, toute cette affaire soit enterrée, leur merci. Car c'est bien le problème, ouais. Comment convaincre toutes ces victimes de témoigner à nouveau, alors qu'elles se sentent trahies par la police ? J'avais 13 ans et je passais entre eux comme un ballon. J'ai subi des viols et des menaces. Ce qui a aggravé les choses pour moi, c'est l'attitude de la police. Je leur ai raconté ce qui se passait. Je leur ai donné des noms, des numéros de téléphone et des immatriculations de voitures. Je leur ai parlé aussi d'un homme qui avait menacé de me tuer. Les hommes n'ont pas été arrêtés et je les vois encore parfois marcher dans les rues de Rochdale. Ça me terrifie. C'est un travail de longue haleine qui commence pour les inspecteurs de la police mancunienne. Le commissaire en a bien conscience, alors il explique à ses équipes. Vous savez, nous parlons d'enfants qui ont subi des violences sexuelles et rien n'a été fait. Ce qu'il va vous falloir dans cette enquête, plus que toute autre chose, c'est faire preuve d'ouverture. Quand vous irez sur le terrain, je veux que vous considériez ces filles comme vos propres enfants ou vos petits-enfants, car si c'était les vôtres, vous aussi, vous seriez dévasté. Et l'équipe de policiers se rend au domicile de Holly. C'est son père qui les accueille. Il est furieux. Pourquoi vous venez maintenant ? Holly est dans un foyer pour mères célibataires. J'ai 3 autres enfants ici. Et à moins de pousser les murs, je ne peux pas accueillir Holly. Et vous savez à qui la faute ? Vous savez à cause de qui elle est complètement détruite ? Vous. Oui, vous tous. Et il les congédie en claquant la porte. Au même moment, les enquêteurs lancent une vague d'arrestations. Ils ont recensé la majorité des violeurs potentiels et ils vont les interpeller à leur domicile. La police a prévenu la presse, tout en lui demandant de ne pas médiatiser l'affaire afin d'enquêter plus sereinement, autrement dit, la quadrature du cercle. Mais bon, le sujet est très sensible, la majorité des suspects sont d'origine pakistanaise et il ne s'agit pas de stigmatiser une communauté assez importante en Angleterre. Mohamed Shafiq, un citoyen anglais d'origine pakistanaise qui a grandi à Rochdale, tient à s'exprimer sur les viols collectifs. En tant que porte-parole de la Fondation Ramadan, un groupe qui vise à aider les jeunes musulmans et le dialogue interconfessionnel, il se fait lanceur d'alerte. Selon lui, la communauté pakistanaise a fermé les yeux sur les réseaux de pédophiles, alors il faut briser l'omerta. Il s'en explique dans le documentaire « Detroit Girls » diffusé sur la BBC. Nous vivons à une époque de montée de l'islamophobie et de l'intolérance à l'égard des communautés d'immigrés et de nombreuses personnes ont déclaré qu'il valait mieux laisser ce problème de côté. On m'a dit que je rabaissais la communauté en parlant de ces questions et on ne voulait pas que j'en parle. Mais, vous savez, changeons ces filles blanches et remplaçons-les par des Asiatiques, des Pakistanaises. Quelle serait notre réaction alors ? Nos imams resteraient-ils silencieux ? Nos dirigeants communautaires feraient-ils l'autruche, comme nous l'avons souvent fait ? Je ne pense pas qu'ils le feraient. Je pense que nous tous, que nous soyons dans la communauté pakistanaise ou dans les autorités, nous avons fermé les yeux sur tout cela. Silence complet. Pendant des semaines, la police continue son travail d'enquête et essaye de convaincre les victimes de témoigner. Sarah Robottom, la directrice du centre d'éducation sexuelle qui avait tiré le signal d'alarme des années plus tôt, elle aussi est sollicitée. En colère, elle ne comprend pas pourquoi la police intervient si tard. Elle consent tout de même à lui livrer les preuves qu'elle a accumulées, notamment le boyfriend book, avec la description de tous les violeurs présumés. Retour à la fiction, retour à la série Three Girls. Holly, l'héroïne, vit désormais avec son enfant dans un foyer d'accueil pour mères célibataires. Elle est approchée par les enquêteurs. Ils comptent beaucoup sur son témoignage, car c'est l'une des premières adolescentes à avoir porté plainte contre ses agresseurs. Et elle accepte de témoigner. Les inspecteurs approchent également Ruby, l'une des trois protagonistes de la série Three Girls. À l'époque des faits, la jeune fille âgée de 13 ans avait été mise enceinte par l'un de ses violeurs. Elle avait avorté et les services de police avaient récupéré le fœtus sans la prévenir. Il s'agit maintenant de lui annoncer cette nouvelle, car cela peut constituer une pièce à conviction majeure du dossier étant donné que l'ADN correspond à l'un des violeurs présumés. Holly et Ruby, comme d'autres malheureuses, acceptent de témoigner sur de longues séances vidéo qui seront projetées lors du procès. Leurs témoignages sont glaçants, à l'image de celui de cette jeune fille restée anonyme. J'étais avec ces hommes dans une maison à Rochdale. J'étais déjà ivre. J'étais tout le temps ivre. Ils se moquaient de moi parce que je vomissais sur le côté du lit. Il y avait un gars avec une lame de rasoir et il est venu me voir et il m'a dit « Je vais te couper. » Tu veux que je te coupe ? Je pleurais parce que je vomissais et je déteste vraiment ça. Le gars avec la lame de rasoir s'est approché de moi en me disant qu'il allait me trancher la gorge. Il riait. L'autre homme a baissé mon pantalon alors que j'étais en train de vomir. Il m'a pénétré pendant que le gars avec la lame me la tenait sous la gorge. Pendant tout le temps que l'homme me violait, je pensais vraiment que j'allais me faire égorger. Alors que le procès se profile, les inspecteurs de police apprennent que les 9 accusés ont tous l'intention de plaider non coupables. Ce qui signifie que les victimes amenées à témoigner devant le tribunal vont être soumises à 9 contre-interrogatoires menés par des avocats qui vont les pousser dans leur retranchement. Quelques jours avant le procès, on fait visiter la salle d'audience à Ruby, l'une des victimes qui va déposer dans le prétoire. L'huissière lui explique la procédure, le rituel, sans lequel la justice serait probablement moins impressionnante. Le juge va s'asseoir ici, tu vois, et les jurés vont s'asseoir là. Les accusés seront derrière cette vitre, là-bas. Mais tu ne seras pas ici, toi, donc tu seras avec moi, dans une autre pièce. Je pourrais aller au fumer une clope ce jour-là, demande Ruby. Bien sûr, quand il y aura une pause. Ah. Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes, faudra que je me retienne? Mais non. Si tu dois t'interrompre, il suffira de me demander. Le procès fait la une des JT britanniques. 11 men have gone on trial charged with grooming and sexually exploiting girls as young as 13. And it said, of the 56 convicted in those cases, 53 were Asian. The Asian men described as being predatory sex offenders. These are some of the 11 men who are facing trial at Liverpool Crown Court. Le premier jour de l'audience, les jurés prêtent serment et l'accusation rappelle les faits. Holly sera la première victime à témoigner. Suivie pour sa consommation d'alcool, elle doit annuler un rendez-vous aux alcooliques anonymes. La jeune femme, qui a maintenant 19 ans, va devoir être courageuse pendant ses longs jours d'audience. Lorsqu'elle se présente devant le tribunal, accompagnée de ses parents, elle aperçoit à travers les vitres de la voiture de nombreux manifestants d'extrême droite pour la plupart. Un gros dispositif de sécurité mis en place devant le tribunal pour contenir une foule en colère. Sur les pancartes, on peut lire « Nos enfants ne sont pas de la viande halal. Pendez les coupables, justice pour nos enfants. » J'avais 14 ans quand les abus sexuels ont commencé. J'ai été violée par 50 hommes, peut-être plus. J'ai perdu le compte. Ça m'est arrivé tant de fois. J'ai d'abord eu honte d'avoir eu des rapports sexuels avec tant d'hommes âgés. Ça m'a dégoûté de moi-même. J'ai tout enfermé dans une boîte, loin, au fond de mon esprit. Il fallait que j'ouvre cette boîte pour dire ce qui s'était passé. Ça a été très dur. Lors du deuxième jour d'audience, Holly doit répondre au contre-interrogatoire mené par les avocats des accusés. À propos de la scène du viol, on lui demande « Ça ne vous est pas venu à l'idée de crier au secours ?»« Je me suis empêché de crier parce que j'avais peur. » Cet incident ne s'est pas produit, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que si. Et l'autre avocate lui demande « Vous vous souvenez-vous d'avoir traité mon client de putain de Pakistanais ?» N'importe quoi, s'indigne Holly. Mais c'est bien sur le terrain du racisme présumé et de l'islamophobie que certains accusés vont s'appuyer pour leur défense. Attaquer les plaignants, ce que l'avocat Jacques Vergès en France appelait la défense de rupture. Plus ou moins habile. Côté accusé, au niveau des neurones, ce n'est pas l'embouteillage. L'un d'entre eux traite la juge de salope raciste et lance « Mon seul crime est d'être musulman ». Un autre explique « Vous les blancs, vous entraînez vos filles à boire et à faire du sexe, alors quand elles nous arrivent, elles sont parfaitement entraînées ». Le 8 mai 2012, après cet enchaînement d'arguments plus fallacieux les uns que les autres, les neuf accusés sont condamnés pour trafic sexuel, viol et complot en vue d'avoir un rapport sexuel avec un mineur. Les peines vont de 4 à 19 ans de prison. Le calvaire de ces jeunes adolescentes, 47 dans cette affaire, est enfin reconnu. Même si le procureur en chef Nazir Afzal reconnaît que la justice a été trop longue. Oui, les gens ont fait des erreurs dans le passé. Les agresseurs n'ont pas été poursuivis alors qu'ils auraient dû l'être. Les victimes n'ont pas reçu le niveau de soutien qu'elles auraient dû avoir. Mais quand j'ai quitté le service, à ce moment-là, je savais qu'ils faisaient le meilleur travail possible. Lutter contre les abus sexuels était la priorité numéro un de la police du Grand Manchester. Ils l'ont doté de ressources. Ils y ont mis des personnes compétentes. Mais il y a potentiellement des centaines de suspects. Oui, il y a eu des abus de jeunes filles à Rochdale. C'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Vous savez, il y a probablement autant de victimes qui sont abusées chaque année que l'on peut faire rentrer de gens dans le stade de Wembley. 100 000 par an. Et par conséquent, nous ne faisons que commencer ce chemin. Mais il faut bien commencer quelque part. L'affaire de Rochdale a ouvert la voie à une trentaine de procès pour des affaires similaires dans tout le Royaume-Uni. La liste des villes touchées par ce fléau serait trop longue à énoncer. Et le nombre de victimes se compte en milliers. Dans le même temps, de nombreuses affaires de pédophilie ont éclaté dans d'autres sphères de la société britannique, notamment dans le monde du football et de la télé. Un homme symbolise ce fléau de la pédophilie. Jimmy Savile, ancien animateur de la BBC, mort en 2011. Pendant 60 ans, il aura commis des centaines de viols et d'agressions sexuelles dans tout le pays sans jamais être inquiété. Là encore, comme pour l'affaire de Rochdale, la police a préféré fermer les yeux. All the boys and all the girls go down the beach to see the boats. They bleach their hair, so ships beware, you'll drift to the bay. Just call the captain from his chambers. Handsome man with ugly features, slowly drifting to the bar. Tides in Gypsy. to be just holding me in silence. Tied into the tree that we set alight. Streets, it must be me excited. Sleeping on my feet, just tell me where he's hiding. Sleeping on my feet, just tell me where. They bleach their hair, so ships beware, you'll drift to the bay. So call the captain from his chambers, handsome man with ugly features, slowly drifting into the bay. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Rochdale, United Kingdom, viol en série, dont nous allons parler avec notre invité Philippe Turl. Bonjour. Bonjour. Journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, merci d'être avec nous. Vous l'avez entendu, notre récit s'est focalisé sur le sort de trois jeunes adolescentes de Rochdale. Mais il y a eu des centaines de victimes dans des dizaines de villes. Déjà, quel est le bilan quand je dis des centaines de victimes dans des dizaines de villes? Quel est le tableau plus précis? Alors, pour être honnête avec vous, je pense que même aujourd'hui, on ne connaît pas le vrai chiffre, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas en parler. Et quand on parle d'abus sexuels contre les mineurs, on estime en Grande-Bretagne qu'à peu près un cas sur dix qui est connu des services de police. Donc, quand on parle de 20 cas, il y en a peut-être 200 ou peut-être plus. Donc, c'est extrêmement compliqué pour mettre un chiffre. Ce que je veux dire à propos de ce que vous venez d'évoquer, c'est que ça a été un véritable tremblement de terre en Grande-Bretagne. Ça a ouvert les yeux pour beaucoup de monde, y compris le Premier ministre de l'époque, de la police, des services sociaux, de tout le monde, sur cette incapacité de gérer une crise et de venir, de porter secours à ces jeunes victimes qui en avaient tellement besoin et dont certaines sont décédées ou ont suicidé parce qu'elles se trouvaient complètement abandonnées. Donc je pense que le bilan, alors qu'aujourd'hui même on connaît pas le résultat final, on connaît pas le chiffre exact, mais je pense que c'est beaucoup plus important que le chiffre qu'on donne. Et vous c'est pensez... que les services sociaux, les éducateurs, les professionnels de santé, la police, les procureurs ont tous échoué dans leur travail à mettre en évidence cet abus. Est-ce que vous pensez que cette affaire de Rochdale et d'autres villes ont constitué une rupture dans la façon dont, en Angleterre, on abordait le problème? Est-ce que ça constitue aussi un progrès, en conséquence, pour la lutte contre le viol, désormais? Je pense que ça a, comme je dis, ouvert les yeux pour beaucoup de monde. Oui, vous avez raison, il y a une rupture par rapport au passé. Et je pense que maintenant, alors que, comme on a très bien expliqué dans votre reportage, on avait plutôt tendance à fermer les yeux. Pour la simple raison, c'était des mineurs qui ne s'exprimaient pas. On les croyait pas de toute manière. C'était des personnes de zones défavorisées. Donc bon, on passait à autre chose. Et la clé, c'était qu'il fallait pas remuer ce problème parce que ça allait peut-être causer des problèmes raciaux en Grande-Bretagne. Oui. Et les autorités avaient une sacrée peur du montée en puissance des mouvements d'extrême droite. En disant, si on cible la communauté pakistanaise, en disant c'est eux qui sont responsables, évidemment, c'est des choux gras pour la BNP, le Parti Nationaliste Britannique, ou pour la Ligue de Défense de l'Angleterre. Donc, on préfère fermer les yeux. Bon, effectivement, pareil dans la presse, pardon. On va écouter une archive ensemble qui remonte au 19 mars 2018. Dans la revue de presse de la matinale de France Inter, Claude Askolovitch évoque le scandale de Telford, donc l'une des villes que nous avons citées, où il s'est passé la même chose qu'à Rochdale, et le silence des médias français. Claude, ce matin, vous nous parlez de viols de centaines de jeunes filles au Royaume-Uni. Et je vous parle en même temps d'une absence dans nos journaux, puisqu'en dehors de Valeurs Actuelles du Progrès, de l'Alsace et du Dauphiné, personne depuis une semaine n'a parlé de Telford. Telford, petite ville pauvre qui est devenue l'incarnation de l'horreur chez nos voisins. Telford, où des centaines de jeunes filles mineures ont été violées, contraintes à se prostituer depuis 40 ans. Affaire révélée il y a 8 jours par le Sunday Mirror. Ainsi parlait dans le journal une jeune fille de 14 ans dont le numéro de téléphone avait été vendu à des pédophiles. On m'avait dit que si je parlais à quiconque, on irait chercher mes petites sœurs. Nuit après nuit, je devais avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes dans des maisons sordides. J'allais chercher la pilule du lendemain deux fois par semaine sans qu'on me pose des questions. J'ai avorté deux fois et j'ai été violée par plusieurs hommes quelques heures après mon second avortement. C'était il y a 8 jours sur le Sunday Mirror et depuis sur les sites des journaux britanniques, les témoignages s'accumulent et l'on débat au Royaume-Uni sur ces enfants trahis. Et on débat d'autant plus que les victimes sont pour la plupart, c'est le mot d'une députée, des jeunes filles de la classe ouvrière blanche et leurs prédateurs sont issus de l'immigration pakistanaise. Et cette affaire de Telford vient après d'autres du même type, notamment dans la ville de Rotherham, où des chauffeurs de taxi pakistanais avaient réduit en esclavage sexuel des dizaines, des centaines de jeunes filles. Philippe Thor, la question est logique. Voilà comment on a traité ou qu'on n'a pas traité dans les médias français et comment on a fini par le traiter, le problème. Comment ça s'est passé dans la presse britannique, s'il vous plaît ? C'était un véritable scandale parce que la presse britannique non plus n'a pas traité le sujet. Je pense, la raison suivante, ils ne savaient pas trop comment le traiter parce que c'était devenu tellement énorme qu'ils avaient peur que de mettre ces accusations dans la presse allait comme faire exploser une bombe. Et donc pendant très longtemps, même les journalistes qui ont été au courant de cette affaire, donc on parle justement d'un journaliste connu du Times qui s'appelle Andrew Norfolk, qui lui a lancé une investigation dans ses abus contre ces jeunes filles au début des années 2000 et qui a renoncé à publier son article parce que ses rédacteurs en chef trouvaient trop sensible, est revenu à la charge, mais quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de publier tous ces récits de ces jeunes filles. Donc, si la presse avait eu le courage d'intervenir à l'époque, disons, dans les années 2004-2005, on aurait peut-être pu sauver la vie de certaines jeunes filles, et au moins empêcher la continuation de cette système absolument épouvantable de viol de ces jeunes filles qui étaient sans aucune aide nulle part. Alors vous le disiez, la société britannique avait peur de stigmatiser une partie de sa population pakistanaise, une partie de sa population. La presse avait peur parce que c'était trop sensible. Des phrases qui commencent par la peur. La peur a-t-elle changé de camp maintenant ? Je dirais que la peur a créé une vide, et le vide qui a été créé lors de cette époque, que ce soit de la part des services sociaux, que ce soit de la part de la police, que ce soit de la part de la presse, a créé une vide qui était une vide nécessaire par les partis politiques d'extrême droite qui ont sauté sur le coup pour profiter de la situation pour dire voilà, nous sommes face à une invasion qui vient de Pakistan, il faut déporter toutes ces personnes, ce n'est pas de la chair britannique disponible qu'ils peuvent consommer, et donc évidemment ce vide a été vraiment quelque chose qui a contribué à la prolongation de cette affaire très sordide. Donc maintenant, je dirais qu'à l'époque, il y avait une certaine invincibilité, si c'est le mot à dire, concernant les violeurs, en disant on ne nous touchera pas parce qu'on a peur de créer une situation intenable vis-à-vis des partis politiques d'extrême droite, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Et de l'autre côté, les services sociaux qui fermaient les yeux en disant on ne veut pas y aller parce que ça va nous porter préjudice aussi. Je dirais aujourd'hui peut-être que la situation a évolué, que Ce n'est pas une question raciale, c'est une question de droit. Oui. Et le droit est applicable à tout le monde, que ce soit des personnes d'origine ethnique ou les personnes qui sont nées en Grande-Bretagne et qui sont blonds. La loi s'applique à tout le monde de la même façon. Et je dirais que jusqu'à 2010-2011, ce n'était pas le cas en Grande-Bretagne. Philippe Taylor, on va se détendre deux minutes. Slow tie, ça n'a rien à voir avec notre sujet, vous le traduiriez comment, slow tie? Je dirais que c'est quelque chose qui se passe lentement et qui prend son temps et qui malheureusement n'avance pas aussi rapidement qu'on aurait souhaité. Eh bien, c'est le nom d'un groupe, un groupe britannique, qui chante précisément Missing, oublié. Balcony, stories high, high telling stories in story time. Same routine getting boring, why? You do the same thing, then you compromise. Moral compass always points wrong, like I'm on the North Pole trying to make it home. When in Rome, only drugs condone, cause real men cry and thugs go home. Who am I? What I stand for? Tell myself you need to be a man more. Man up, wear your handcuff, lost from Pampers. Sandwich short of a picnic, rough for your packed lunch. Life in a bin bag, quickly get wrapped up, treat like a rodent. Falling or just decomposing, no opinions, no emotions. Thinking I've been missing. No one's calling, no one ever listens. Only falling when I'm missing. Miss falling, why you missing? Thinking I've been missing. No one's calling, no one ever listens. Only falling when I'm missing. Miss falling, tell me why you're. Only enemies between your eyes. Telepathy, they can't read your mind. Therapy and they tell you lies. The only one more, you ain't got no prize. Willy cutting like a snake, you bite. Vampires come and take a pine. Tie rope and I'll walk the line. On the line, see this tour, why you lost your spine? Spineless got a grubbing by the neck. The scruff gets rough, just a scruff on the leg. Need sense and a bump on the head. I need pee, why you bump me instead? Trust in me, you're my best friend. I don't know if you're alive or dead. Fine line, define my strengths. How far will you go if it's not arm's length? Falling, thinking I've been missing. No one's calling, no one ever listens. Only falling when I'm missing. Miss falling, why you missing? Thinking I've been missing. No one's calling, no one ever listens. Only falling when I'm missing. Miss falling. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Philippe Taylor, je voudrais revenir sur un point. Le British National Party et l'extrême droite ont instrumentalisé ces affaires. Comment s'y sont-ils pris ? Vous savez qu'évidemment, il y a toujours une division entre ceux qui acceptent de vivre dans des quartiers à côté de personnes d'origine étrangère et ceux qui n'acceptent pas. Et je pense que dans ces zones comme Rochdale, comme Telford, comme Rotherham, qui sont des villes pauvres, qui sont des villes défavorisées, où il y a quand même un chômage galopant, et où il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de travail, qui vivent un peu selon les moyens du bourg, il y a un sentiment que il y a un peu trop d'étrangers. Donc le British National Party utilise ces sentiments, un peu comme la même chose du Front National, ex-Front National en France, pour trouver un soutien. Donc il y avait une grande question qui était posée à l'époque ces viols de ces jeunes filles. Est-ce qu'on parle? Parce qu'évidemment, ça va jouer en faveur du soutien de ces partis politiques qui le cherchent, évidemment, et qui ont vu dans ces quartiers défavorisés leur soutien augmenter de 200%, 300%, 400%. Donc il y avait une vraie peur que le British National Party ou le English Defence League, la Ligue de défense de l'Angleterre, allait réussir à rentrer dans la Chambre des communes à Westminster. Et donc c'était quelque chose à éviter de tout prix. Et pour cette raison-là, les gens ils ont décidé de ne rien dire. Et les Pakistanais, eux, les Pakistanais des quartiers et des villes dont on a parlé, comment ils ont réagi? Ils ont crié au racisme, ils ont pris la balle au bond. Parce que il y a eu des tentatives de tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis des chefs des communautés pakistanaises dans les mosquées, par exemple, pour dire, bah voilà, on a une liste des personnes, on sait qu'ils sont coupables, on sait ce qu'ils sont en train de faire. Et la réponse, c'était, on regardera ça, on connaît les gens sur la liste, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, mais on ne va pas intervenir. Mmh. On ne va pas intervenir parce que c'est des choses qui ne nous concernent pas, c'est un problème dont la police doit s'occuper, et donc nous, on ne va pas intervenir parce que ce n'est pas notre rôle. Et donc, les mosquées, les leaders des communautés pakistanaises dans les villes concernées ont pointé de fermer les yeux en disant « c'est le problème de la police ». La police a dit « nous, on n'intervient pas, on ferme les yeux aussi parce qu'on ne va pas attiser un soutien pour les partis d'extrême droite ouais. ». Vous avez vos monstres, on a les nôtres. En marge de cette affaire de Rochdale, mais concernant la pédophilie, vous avez, vous, le cas de l'ex-député Cyril Smith, mort en 2010. 144 plaintes ont été déposées contre lui. Toutes classées sans suite. Et alors, j'ai la photo de cet ancien député, Cyril Smith, paru dans le Nouvel Obs. Et alors, il porte un t-shirt, tenez-vous bien, qui dit « Save the children », sauver les enfants. Donc, il y a la monstruosité, du cynisme. On en parle de ce monsieur-là, de cet homme-là en Angleterre. Vous savez, quand j'étais enfant, adolescent, Cyril Smith, c'était un personnage en Grande-Bretagne. Alors, justement, c'était le député de Rochdale, un libéral. Et donc, c'était quelqu'un qui était un grand monsieur, énormément gros. On l'appelait Big Cyril, le grand Cyril. Il était très médiatisé. C'était quelqu'un qui chantait des chansons à la télévision, qui faisait des spots de publicité pour faire rire. Donc c'était toute une image qu'il a créée pour masquer un peu ce personnage très sinistre derrière. Et malheureusement, et c'est pas seulement dans le cas de Cyril Smith, mais dans le cas d'autres personnes, c'est seulement après sa mort, oui, malgré le fait qu'on avait mis en garde son parti et le gouvernement contre les agissements de ce monsieur pendant sa vie, le gouvernement n'a rien fait et le Premier ministre n'a rien fait et son propre parti, le Parti libéral, n'a rien fait. Et c'est seulement après sa mort que les gens sont venus dire « j'étais abusé, c'était des garçons, j'étais abusé par Cyril Smith qui avait accès à des camps d'entraînement où il y avait des jeunes garçons, à des orphelinats où il y avait des jeunes garçons, et donc ils s'en ont abusé et personne n'a rien dit. » Et donc c'est vrai que quand on apprend ça et on connaît ce personnage qu'on voit tout le temps à la télévision, ça fait quand même un grand choc et on se pose beaucoup de questions, pourquoi personne n'a rien dit, oui, pourquoi on n'a pas su avant. Même cas pour Jimmy Savile, finalement. Jimmy Savile, c'était même pire. Parce ancien que animateur Savile, de la BBC, je précise pour nos auditeurs français. Oui, Jimmy Savile, c'était un animateur de télévision britannique qui était un icône en Grande-Bretagne, très excentrique dans sa façon de s'habiller, toujours en jogging avec un gros cigare, avec des bijoux, avec des cheveux blonds, assez drôle, hein, qui faisait beaucoup d'émissions de télévision, qui était le premier présentateur de Top of the Pops dans les années 60. Et donc c'était quelqu'un qui était très connu et très apprécié du public, qui aidait beaucoup d'œuvres de charité à gagner de l'argent par des gestes. Par exemple, il participait au marathon. Donc, c'était quelqu'un qui était l'ami de Margaret Thatcher, qui est intervenu comme un personnage important, entre populaire et Diana. Important. Donc, quand il est décédé en 2011, il y a des gens qui ont commencé à parler en disant « mais moi, j'étais abusé par Jimmy Savile ». Et on estime aujourd'hui à plus de 450 personnes, oui, le nombre de victimes de ce personnage. Et donc, c'est vrai que la BBC où il travaillait a été accusée de l'avoir fermé les yeux pendant plus de 40 ans. Oui. Toujours le même problème, Philippe Thur, là, finalement, on découvre des faits, on se dit, mais pourquoi on les a pas dénoncés? Ça sera le mot de la fin, je suis désolé. Il nous reste seulement une minute, en tout cas, merci infiniment, Philippe Thurl, pour les précisions que vous nous avez apportées. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Rochdale. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.